Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 4. Vivre en dépression, désobéir. Pour remédier au chômage qui sévit durement à Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans-travail. Tout d'un coup, une après-midi en octobre 29, je vaquais à mes affaires. J'ai entendu les petits vendeurs de journaux crier, ils couraient dans les rues et répétaient « La bourse s'est effondrée, la bourse s'est effondrée ». Mais la Work Progress Administration a été créée. C'est tombé comme la foudre. Et Roosevelt est devenu un dieu. C'était vraiment fantastique. Les gens avaient un travail, un salaire. Ça me rappelle ce vieux dicton. Leur dignité. Tant que ta main est dans la gueule du lion, tiens-toi tranquille jusqu'à ce que tu la retires. Moi, j'avais retiré ma main. Ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. C'est aussi pour les vieux pavés de bois que la municipalité leur abandonne. L'hiver avance menaçant et le froid est un ennemi prêt. 1969. Tel un pèlerin, je pars avec mon magnétophone et mon micro à la rencontre de citoyens américains qui ont vécu la Grande Dépression. Le magnétophone portatif peut être la pire ou la meilleure des choses. Sa petite taille permet de le dissimuler et de s'en servir comme instrument de chantage ou même comme une arme dans un état policier. Mais la plupart du temps, il sert surtout à transmettre des banalités. Pourtant, posé sur une table, sur un fauteuil ou dans l'herbe, il peut provoquer une véritable transformation chez l'interviewé comme chez l'intervieweur. Un jour où je réécoutais une bande, la personne que je venais d'interroger s'étonna. Je ne m'étais jamais rendu compte que j'éprouvais ça. On peut bien sûr utiliser le magnétophone pour enregistrer la voix d'une vedette qui vous servira à des propos convenus. Personnellement, aucune star ne m'a jamais surpris. Par contre, on peut enregistrer des inconnus, que ce soit sur les marges d'un logement social, dans un pavillon, un meublé ou une voiture. Et là, je suis toujours étonné de constater que chaque personne est unique. J'ai appris toute seule le métier de cuisinière. J'ai toujours su écouter et j'ai une bonne mémoire. Le père d'Emma Tiller avait une petite ferme dans l'ouest du Texas. La première dépression dont elle se souvient a commencé en 14. J'ai jamais eu de mal à me trouver une cuisine, ce qui veut dire un travail. Je me sentais indépendante parce que je savais qu'on avait besoin de moi. C'est pour ça que j'ai appris à bien cuisiner. Je me suis retrouvée seule et le monde était nouveau pour moi. Je n'avais plus à obéir à des ordres. J'avais grandi, je pouvais faire ce que je voulais, aller où je voulais, revenir quand j'en avais envie. Si c'était une famille de riches ordinaires, j'avais toute la maison en main. Je commandais de la nourriture et je préparais quelque chose. Et si ça ne donnait pas ce que je voulais, je le jetais, je cuisinais autre chose. Parce que j'essayais d'apprendre à être une bonne cuisinière. Les riches pouvaient se permettre ça. Parce que quand vous faites des erreurs, si vous avez de l'argent, n'allez pas pleurer pour un peu de sucre gaspillé ou ceci ou cela. En 1937, je travaillais pour une famille très riche de Wichita Falls. Le mari était médecin. La femme m'a dit qu'elle allait recevoir 40 personnes à dîner, dehors, sur la pelouse. Quand vous travaillez pour des gens riches dans le sud, vous n'allez pas acheter des pois, des haricots, des petits pains surgelés, non. Les sandwichs, vous les faites. Les pois, vous les écossez, les haricots, vous les équeutez. J'ai vu un groupe de noirs qui marchait deux par deux en silence. Ils n'étaient pas bruyants, ils n'étaient pas agités. Ces gens avaient une destination, un but. Ils avaient une mission. Ils allaient quelque part. La patronne, elle était censée trouver des serveurs parce que ça devait être préparé en cuisine et servi dehors. Je lui demandais tout le temps, vous avez trouvé des gars pour le service? Non, mais elle disait qu'elle allait en trouver. La fin de la semaine est arrivée. Le dîner était quand même pour le mardi. Et je lui ai redemandé. Non. Mais elle allait en trouver. Je me suis dit, après que j'aurai cuisiné toute seule pour 40 personnes, cette femme a l'intention de me faire servir ce repas toute seule. et avec le sourire en plus. Alors je me suis dit, il vaudrait mieux que je prévoie comment je vais m'y prendre avec elle. Ce que je n'aimais pas chez elle, c'est qu'elle était très près de ses sous. Je commençais à en avoir assez de cette maison. J'étais devenue une sacrée bonne cuisinière et je devenais de plus en plus indépendante. Quand je finis mon travail, je veux mon argent et je ne veux pas avoir à demander ou à attendre 2 heures pendant que vous vous occupez à je ne sais pas quoi. C'est mon argent, vous me donnez mon argent. Je leur dis toujours, payez-moi tant que je suis encore en vie. Elle avait cette habitude. Chaque semaine, au moment où j'avais fini de travailler, elle était couchée. Elle restait là et elle faisait semblant de dormir. J'entrais. Ah, tu peux entrer, Emma, je crois que mon porte-monnaie est là-bas. Et quand je revenais avec, elle s'était rendormie. Et il fallait que je reste là et que je dise doucement, voilà votre porte-monnaie. Je savais qu'elle allait faire venir personne pour m'aider. Le lundi arrivait, une semaine avant le repas, et il fallait commencer à rassembler les légumes. Elle m'a dit, nous allons commander tout ça. Les patrons disent toujours nous, quand ils veulent dire tu. Le lundi, on a fait venir des tonnes de haricots verts. On les a lavés et mis de côté. Elle a commandé environ 300 livres de glace, parce que le frigo ne pouvait pas contenir tout ça. Et puis elle voulait servir des pêches à la crème. J'ai ouvert toutes les boîtes de pêches, et on les a mises dans de la glace. Emma raconte avec un amour du détail les autres plats qu'elle a préparés. Le caviar et beaucoup d'autres hors-d'œuvre. Tous les plats magnifiques. Les condiments exotiques. Toutes les petites choses en plus. Les chapons. Et j'avais aussi fait des salades et des gâteaux spéciaux. Tout ça, il fallait le servir. Dans cette maison, on servait aussi l'apéritif. C'était les gens les plus whisky que j'ai jamais vus. Puis après, il aurait fallu servir tout le repas. Vous imaginez mettre tout ce travail sur le dos d'une seule personne ? À ce moment-là, j'ai su que j'allais partir. Mais comme la patronne avait été vraiment mauvaise, j'ai décidé que j'allais la mettre dans un sacré pétrin. Elle avait 40 personnes à manger, des médecins, des professeurs, des gens dans le pétrole, tous avaient l'air de pointure. Certains venaient même de New York. C'était parfait. Alors j'ai fait mon boulot jusqu'au samedi. Toute la nourriture était prête pour être préparée le lundi et servie le mardi. Ce samedi-là, il a encore fallu que je la réveille. Donnez-moi mon argent. Je me suis dit, ma vieille, si tu savais ce que je mijote, tu ne resterais pas couchée là. Le dimanche, j'étais censée revenir à 11h leur faire le déjeuner. Mais j'avais eu mon argent, je ne voyais pas l'intérêt de revenir parce que pour moi, c'était fini. Avec toute cette nourriture bien rangée, plein le bac à glace. Le dimanche, elle est venue demander à la voisine si j'étais malade. Je n'ai pas répondu. Elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Elle savait que j'étais obligée d'être là lundi. Ce lundi-là, eh bien, je suis allée voir des amis. J'avais une semaine de loyer d'avance et 6 dollars dans la poche. J'étais riche. J'étais censée être au travail à 8 heures. Je ne me suis pas levée avant 9. J'avais décidé de ne rien faire de toute la semaine. Alors, le lundi, elle appelle la femme chez qui je louais. J'avais un logement à l'arrière, dans le condo domestique. Vous voyez, quand vous travaillez pour une famille comme ça, il faut toujours louer ailleurs. Parce que si vous perdez votre travail, vous ne perdez pas votre logement. Si les Noirs vivaient de l'aide, les Blancs en faisaient autant. Tous se disaient qu'il y aurait des jours meilleurs. C'était ce qu'on se disait. Cet espoir a disparu. Aujourd'hui, c'est plus dur que tout. Il n'y a plus que la haine et la désillusion. Alors à 11h, je reviens de chez des amis. L'autre femme blanche, ma propriétaire, me demande « La femme pour qui vous travaillez dit que vous avez tout préparé et qu'elle reçoit 40 personnes riches à dîner mardi et que vous êtes partie sans rien dire. Est-ce que vous êtes malade ?»« Non, madame, je ne suis pas malade. »« Pourquoi vous n'allez pas travailler ?»« Alors moi, est-ce que je vous ai payé mon loyer samedi ?»« Oui, vous me l'avez payé. »« Si jamais je ne vous le paye plus, vous pourrez me réclamer quelque chose. Mais que je travaille ou non, ça ne vous regarde pas. Ça fait 6 semaines que cette femme sait qu'elle aura 40 personnes à dîner. Elle croit qu'elle va me faire faire tout le boulot toute seule pour 7 dollars, jamais de la vie. Elle voulait vous payer 7 dollars pour cette journée. 7 dollars pour la semaine, chérie. Alors la propriétaire m'a dit « Vous devriez avoir honte. » Je lui ai répondu « Je n'ai pas honte. J'ai assez travaillé pour cette femme. Il faut que je la réveille chaque fois que c'est l'heure de me payer parce qu'à chaque fois, elle s'endort. Si elle était morte, son mari aurait dit qu'il ne me devait rien. Je ne laisserai personne dormir sur mon argent. » Et j'ai ajouté « Et vous, vous feriez quoi sans Rosalie ?» Rosalie faisait toutes les sales besognes chez elle. Ça lui a fermé son clapet. Et comment s'est passée la fête ? J'avais tout prévu. Croyez pas que je n'avais pas pensé à tout. Je voyais déjà tous ces grands docteurs avec leurs gros bides et leurs femmes toutes pomponnées arriver à la maison, s'asseoir là, et elles, les yeux pleins de larmes. Si vous êtes assez bête pour leur rendre service, ils vous donnent un dollar ou deux. Elles se figuraient que les gens me donneraient un petit pourboire et que ce serait ma paye. Alors qu'on est là à se tuer au travail. Ça a été ma prise de conscience. Je me sentais vraiment bien. Je pense que tous les Noirs ressentent ça quand ils sont suffisamment sûrs d'eux pour relever la tête, comme des hommes et des femmes. Ça me rappelle ce vieux dicton. Tant que ta main est dans la gueule du lion, tiens-toi tranquille jusqu'à ce que tu la retires. Moi, j'avais retiré ma main. Nothing take a chance. But then when they waked up to the fact that we were fighting for a good cause. It got so that the farmers couldn't stand it anymore. They see them. Quand je leur pose la question, les souvenirs remontent. Et même parfois, un rire éclate. 1929, oh bon Dieu, la Grande Dépression. Cette fois-là, c'est un vieillard qui était parti d'un grand éclat de rire. Parfois, quand il parle de la Grande Dépression, ce n'est pas que l'abattement, c'est aussi une certaine euphorie qui les gagne 40 ans après. Je vais vous raconter combien j'étais naïf. C'était en 1930-1931. Quand je suis arrivé à Chicago, je suis descendu à Union Station. Je suis monté dans un taxi et j'ai dit au chauffeur « Conduisez-moi au meilleur hôtel noir. » Il s'est retourné vers moi et m'a regardé comme si j'étais fou. Il m'a conduit dans le seul hôtel qu'il connaissait. C'était un bordel. Jamais je n'avais été aussi vexé. Je ne sais pas ce que je m'imaginais. Quelque chose comme le Ritz. Mais ce n'était pas le Ritz. Horace Kayton est né à Seattle. Il est venu s'installer à Chicago où son père a été rédacteur en chef d'un journal noir et où lui-même a été adjoint du shérif. Il est maintenant sociologue. J'avais une idée romantique des quartiers noirs, des cabarets, du jazz. Quand on allait sur Michigan Boulevard et qu'on passait par South Parkway, c'était excitant. Je marchais dans les rues, jour et nuit, comme j'avais fait à Paris. C'était un monde fantastique. J'ai rencontré toute une bourgeoisie noire, mais je ne savais rien des masses. Un jour, je déjeunais dans le South Side. J'ai vu un groupe de Noirs qui marchait deux par deux, en silence. Ils n'étaient pas bruyants. Ils n'étaient pas agités. Ces gens avaient une destination, un but. Ils avaient une mission. Ils allaient quelque part. On les sentait tendus. Je n'avais pas encore mangé mon dessert, mais j'étais curieux. Je me suis mis derrière eux et je les ai suivis. J'étais mieux habillé qu'eux, mais ils ne m'ont pas montré d'animosité. J'ai dit au gars qui était le plus proche de moi, « Où allons-nous ? » Il a dit, « On va juste remettre des gens dans un immeuble. Ils se sont fait expulser. » C'était un immeuble délabré, presque un bidonville. Une foule compacte de Noirs s'était formée et ils parlaient fort. C'était ce que Robert Park appelle une réunion d'indignation. Ils faisaient des réunions comme ça dans le Sud, où les Noirs exprimaient ce qu'ils ne pouvaient plus garder pour eux à cause d'une injustice qui avait été commise. Ils fermaient les portes et ils tenaient une réunion d'indignation et ils injuriaient les Blancs. Là, on agissait. Ils ont sorti de l'église des couvertures, des vieux lits et un chiffonnier. Et ils ont rapporté ça à l'intérieur de l'immeuble. Puis, il y a eu un rassemblement religieux. Il faisait moins de zéro dehors. On était là. Et on a entendu les sirènes. Tout le monde s'est tendu. Une petite vieille toute frêle a levé la main et a dit « Restez groupés, ne bougez pas. » Ils ont commencé à chanter « Give me that old-time religion. » Ils avaient rajouté des paroles communistes. « Si c'est bon pour frère Staline, c'est bon pour moi. » « Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. » It's good enough for me. It's good enough for Brother Stalin. It's good enough for Brother Stalin. It's good enough for Brother Stalin. And it's good enough for me. And it's good enough for Father Lenin. Tandis qu'il chantait, it's good enough for Father Lenin. On sentait la tension dans la foule. Les sirènes dehors faisaient comme un chœur antique venu de toutes les directions. And it's quelqu'un a dit, c'est l'escadron rouge. La vieille femme a dit, restez groupés. Mais ils sont arrivés comme des casseurs de bandes, la matraque en l'air. Je ne me suis pas enfui parce que j'étais complètement pris par le drame. Jusque-là, je n'avais jamais vraiment éprouvé la dépression et ce qu'elle faisait aux êtres humains. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne m'ont pas tabassé. J'étais un peu sur le bord, j'étais mieux habillé. Je me souviens du premier line. Les Noirs n'avaient pas de travail. Après promesse sur promesse sur promesse, un jour, un groupe s'est allongé par terre sur la voie du tramway. Tous les chauffeurs et les mécanos étaient blancs. Ils n'ont pas pu passer. Le maire Kelly a essayé de traiter avec eux. Il voulait rester là et bloquer la foutue circulation. Il voulait ériger un mur d'êtres humains, un mur noir. Ils espéraient avoir du travail. Pas un travail dans les tramways, juste un boulot ordinaire. Il y avait des gars qui creusaient des fossés pour la ville, mais les Noirs n'en étaient pas. Alors ils ont dit, on va juste bloquer leur truc. On crève de faim et tous les gars qui font les petits boulots sont des blancs, en plein quartier noir. Ils construisaient la route allant de la 51e à Cottage Grove. Et il n'y avait pas un seul noir qui travaillait. Alors l'un d'eux a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Un autre a répondu, suivez-moi. Ils sont descendus dans la 51e rue, ils sont allés voir les gars qui travaillaient et leur ont pris leur pelle. Ils leur ont dit de se tirer. Ils leur ont pris leur boulot et depuis, ils travaillent sur les lignes en surface. Quelle était l'attitude de la communauté noire par rapport à celle d'aujourd'hui? Malgré la dépression, il y avait de l'espoir. Beaucoup d'espoir, même si les gens souffraient. Ne pas avoir d'argent dans les États-Unis d'aujourd'hui, c'est honteux. La classe moyenne croit que les Noirs qui vivent des aides sociales sont moralement corrompus parce qu'ils ne travaillent pas. Mais pendant la dépression, il y avait tellement de Blancs qui vivaient aussi des aides. Alors, aux yeux des Noirs, il n'y avait pas grande différence. Oh, il y en avait une quand même. Les Noirs étaient bien plus nombreux que les Blancs dans les boulots non qualifiés. Mais si les Noirs vivaient de l'aide, les Blancs en faisaient autant. Tous se disaient qu'il y aurait des jours meilleurs. C'était ce qu'on se disait. Cet espoir a disparu. Aujourd'hui, c'est plus dur que tout. Il n'y a plus que la haine et la désillusion. Quelle était l'attitude des Noirs vis-à-vis de Roosevelt? Ah, oh, Roosevelt, c'était quelque chose. Il a rompu avec la tradition. Mon père disait, les républicains, c'est le navire. Tout le reste, c'est la mer. Personne n'était trop pour Roosevelt en 1932. Mais la Work Progress Administration a été créée et Roosevelt est devenu un dieu. C'était vraiment fantastique. Les gens avaient un travail, un salaire et leur dignité. Vous savez ce qu'ils faisaient le plus souvent quand ils trouvaient un boulot? D'abord, ils achetaient de quoi s'habiller. Puis, ils essayaient de trouver un endroit un peu mieux pour vivre. Et en troisième, ils se faisaient soigner les dents. Quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez plus. Surtout les enfants. Si un gosse avait mal à une dent, on lui donnait de l'aspirine ou du whisky. Là, on pouvait la lui arracher. À l'époque, une femme, quand elle avait 40 ou 50 ans, c'était une vieille femme. Quand je suis revenu dans l'Iowa en 68, certaines des filles de 40-50 ans étaient mieux que leurs filles de 20 ans. Appareils ménagers, produits cosmétiques, elles se soucient de leur santé, elles prennent des vitamines. J'ai remarqué que beaucoup de gens de mon âge portent des dentiers. On n'a pas eu les bonnes vitamines, les bons sels minéraux. Il y avait une certaine humanité à l'époque. Il n'y en a plus aujourd'hui. Non. Ces salauds, bordel de Dieu. Ils sont en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai le même sentiment que quand j'étais en France et en Allemagne en 1935. On va tout droit vers une tragédie. Je ne vois rien à faire. Ce serait futile. Au cœur du blues de l'homme noir, il y a la pauvreté. Si les paroles évoquent souvent les femmes fidèles ou infidèles, ou les exploits de John le Conquérant, la vérité profonde du blues, c'est la condition de ceux d'en bas. « Le nègre est né dans la crise », murmure ce vieux noir. « Si vous pouvez me dire la différence entre la dépression d'aujourd'hui et la dépression de 32 pour les noirs, j'aimerais bien l'entendre. » Et pourtant, même pendant la Grande Dépression, quand le blanc s'est retrouvé en bas, le noir était encore plus bas. C'est ce qui n'a cessé d'être chanté dans le blues. C'était terrifiant. Il y avait de grandes files d'attente pour la soupe populaire. On ne savait pas comment se mettre dedans. Moi et mon frère, on n'avait jamais imaginé faire ça. Et on avait les idées de la classe moyenne, mais sans en avoir le revenu. Prochain épisode avec Ed Polzen, qui a dû partir et voyager sur des trains de marchandises comme des millions d'autres gens, et Diana Morgan, une belle du Sud dont le père possédait un grand magasin en Caroline du Nord. Les banques se sont effondrées à peu près au moment où j'entrais à l'université. C'était ma première année, et je suis rentrée à la maison pour Noël. Le téléphone était coupé. C'est comme ça que j'ai réalisé que le monde s'écroulait. Yes, when Mr. Roosevelt sent out them unemployment calls, I just know sure that work was going to start. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression. The Studs Terkel. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. Quatrième épisode. Avec Jackie Desroyers, Studs Terkel. Pascal Nzonzi, Horace Caton, Félicité Wassy, Emma Taylor, Thierry Bosque, Ben Isaacs, Benoît Giros, Slim Collier, et les voix de Mohamed Rouhabi, Laurence Février et Chloé Baker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Dérété, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.